بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Louange à Allah de nous avoir comblés de cette assise sur les ondes de Radio At-Taqwa en cette nuit du 8 Shaban 1441 qui correspond au 31 mars 2020. Il semble que certains de nos frères et sœurs n'ont pas compris le titre de ces assises, louange à Allah, mon confinement est une miséricorde. Ce ne sont pas des assises pour s'intoxiquer sur le virus, c'est juste pour attirer l'attention sur ce bienfait avec lequel Allah nous a comblés, qui est le fait d'être chez soi et d'utiliser ce bienfait à apprendre sa religion et à apprendre la langue arabe et à s'occuper de sa famille et assister aux assises qui sont données par des frères dignes de la voix du pur prédicateur d'Allah alayhim sur les différentes radios. Et à ce niveau, méditons comme on salaf et les savants changent les épreuves en butin. Il n'y a aucun doute qu'être emprisonné et se trouver derrière les barreaux, c'est une perte de liberté. Mais certains doués de raison arrivent à changer l'épreuve de l'emprisonnement en butin, et leur prison en un paradis, de par leurs grandes aspirations et de par leur grande foi en le destin d'Allah. Ils passent leur temps à penser aux solutions des crises et non pas à perdre le temps dans les loisirs et les jeux et les futilités. Ils sont nombreux, ceux-là, dans l'histoire de notre communauté. Prenez par exemple Mohammed ibn Ahmed al-Sarkhasi. Il est mort en 483 de l'Hégire. C'était un imam dans le Hanafiya à son époque. De sa mémoire, rahimahullah ta'ala, il a dicté son livre Al-Mabsout, qui est une encyclopédie dans le fiqh al-Hanafi, alors qu'il était emprisonné dans un sous-sol. Quand il a terminé le sujet des adorations, il a dit, dicté par le prisonnier, le prisonnier interdit des prières en commun et des prières du vendredi. Ceci est relaté dans le Fawaid al-Bahiyya, dans les biographies de Hanafiya de l'Aknawi. Et méditer aussi Cheikh l'Islam, l'histoire de Cheikh l'Islam de Taymiyyah rahmatullah alayh, qui est mort en 728. Il a été emprisonné plusieurs fois et il a profité de sa prison pour écrire des livres et des rasa'il. Ibn Abdel Hadi, rahimahullah, dans l'Uqud Durriya, en faisant le calcul des rasa'il de Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, il a dit que beaucoup de ses écrits ont été faits en prison. Ils sont plusieurs volumes. Certains les ont réunis sous le titre Rasa'il ibn Taymiyyah fi sijn. Rasa'il ibn Taymiyyah min sijn. Les écrits d'Ibn Taymiyyah en prison. Ou les livres d'Ibn Taymiyyah en prison. Ils sont édités. Cheikh l'Islam, rahimahullah, faisait da'wah en prison. Rahimahullah. Quand il est rentré en prison, les prisonniers perdaient leur temps et passaient leur temps au jeu, aux futilités et à n'importe quoi. Et il les a orientés, rahimahullah, vers la prière, vers la glorification d'Allah, vers l'istighfar, vers la demande de la science. Beaucoup Et à tel point que ceci s'est su à l'extérieur de la prison, que beaucoup cherchaient à rentrer en prison. Et donc, la prison était remplie. Et ses ennemis étaient contraints de déplacer Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, vers Alexandrie. Ceci est relaté aussi dans l'Uqud, Ad-Durriya d'Ibn Abdel Hadi rahimahullah, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Regardez comment il a changé cette épreuve et cette privatisation de la liberté. En étant en prison, il l'a changé en quelque chose, en cercle d'enseignement, en da'wa ilallah, en écriture, et ainsi de suite. À notre époque, Cheikh l'Islam, le muhaddid du siècle, l'authentificateur par excellence et le revivificateur de notre époque, Mohammed Nasser Dil Albani, rahmatullah alayh, est rentré en prison en 1969, qui correspond au l'an 1420. Là-bas, rahimahullah, il a résumé l'authentique du musulman en 3 mois. Chaque nuit et chaque soir, il était penché sur ce, le recueil de Sahih Muslim, et il l'a résumé, rahmatullah alayh, en prison. L'histoire de notre communauté est pleine de récits de ces grands hommes qui font des épreuves, qui rendent les épreuves un butin et qui en profitent. Vous n'avez qu'à chercher dans l'histoire où a été écrit l'authentique, à quelle époque a été écrit l'authentique du Bukhari ainsi que celui du Muslim. Et à quelle époque ont été écrits les 4 recueils de la Sunna, celui d'Ibn Majah, de Tirmidhi, d'Abu Daoud, de Nisa'i. Tous ces recueils ont été écrits pendant des périodes de troubles et des périodes de guerre. Et ces hommes, ce sont des hommes qui font des... qui ont retourné les épreuves en butin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les comble de sa sainte miséricorde. Que nous prenions modèle sur eux et qu'on les imite et qu'on fasse de notre confinement un butin et qu'on l'utilise dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et qu'on ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Et que, qu'on profite comme il se doit de ce confinement, et qu'on l'utilise de façon à en être satisfait le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez ce qu'a dit Al-Ajurri rahimahullah dans son livre Sharia. Il dit les épreuves sont différentes. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Des gens ont été épargnés des épreuves et d'autres ont péri dans les épreuves en ayant suivi les passions et en préférant ce bas monde. Il dit, rahmatullah alayh, celui à qui Allah veut le bien, il lui ouvre la porte du dua, lui ouvre la porte de l'imploration. Il se réfugie auprès de son noble Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et il a peur pour sa religion. Il préserve sa langue, il reconnaît la valeur de son temps. Il se cramponne à la preuve et à la voie claire, il ne sort pas de l'unicité, il ne sort pas de l'unité des musulmans. Il ne versatilise pas dans sa religion, il perfectionne l'adoration de son Seigneur et délaisse les polémiques dans les fitanes, car les fitanes dévoile beaucoup de monde. Fin de citation des paroles de l'Ajurri rahimahullah ta'ala. Et que celui, que celle qui se sentent mal et qui sentent que leurs cœurs sont serrés par le fait d'être confinés pour longtemps chez soi, écoute, frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, écoute le remède à cela. Dans ce qui est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, quand le Coran est récité dans la maison s'élargit pour ceux qui l'habitent. La maison devient large pour ceux qui l'habitent. et le bien de cette maison augmentera. Et les gens et les anges seront présents dans cette maison. Et les anges seront présents dans cette maison. Et Shayatin se sauveront de cette maison. Et le foyer dans lequel ne se récite pas le Coran, il sera étroit pour ceux qui l'habitent. Son bien diminuera. Et les anges s'en détourneront. Et Shayatin y seront présents. Frères en Allah Azza wa Jal et sœurs en Allah Azza wa Jal, nous sommes dans la première, dans la fin de la première semaine du mois de Sha'ban. Comment nos salafs, ridwanullah alayhim, étaient durant ce mois? Dans ce qui est rapporté dans la Ta'if, le Ma'arif d'Ibn Rajab, il rapporte que Salam ibn Kuhay, disait que Sha'ban, c'est le mois du Qurra, c'est-à-dire le mois de ceux qui se pensent sur le Qur'an. Et il rapporte aussi que Habib ibn Abi Thabit a dit, quand arrive le mois de Ramadan, il dit le mois de Sha'ban, c'est le mois du Qurra, le mois de ceux qui se penchent sur le Qur'an. Omar ibn Qais, le Mila'i, quand arrive le mois de Sha'ban, il ferme la boutique. Il se libère pour la lecture du Coran. Ainsi ils étaient, rahimahumullahu ta'ala, qu'on les prenne. La salafia, c'est pas tout simplement une prétention. C'est une mise en application. C'est une imitation de ceux qui nous ont précédés sur ce chemin. L'assise de notre soirée aujourd'hui est consacrée, comme on a vu hier lors de la dernière assise, que toute innovation est un égarement. Bah, durant cette assise, nous allons voir comment Salaf comprenait l'innovation. Et ceci est très important pour ne pas se faire avoir partout ou par leur éloquent, hein. Et il est de notre devoir de comprendre les sujets de la religion comme l'ont compris les pieux prédécesseurs de Allah alayhim. Les savants, depuis les compagnons à nos jours, se sont occupés à éclaircir la communauté sur le danger des innovations et sur le statut de l'innovation et des innovateurs. Ils ont toujours averti contre les innovations et les innovateurs. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est de se rappeler mutuellement comment les pieux prédécesseurs ont compris les innovations et comment les compagnons et les savants parmi la génération des tabi'in et les grands imams de la science ont compris ce sujet et comment ils ont fait face à l'innovation et comment ils ont réprimandé tout un chacun qui rajoute quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'un mot. Et c'est eux que nous devons suivre, rahimahumullah, car c'est l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait dans beaucoup de versets du Coran. Et c'est l'ordre que nous a intimé aussi le messager alayhi salatu wassalam. Le Muwaffaq ibn Qudama, dans sa risale à la répression de la fausse interprétation, Dhammul Kalam, Dhammul Ta'wil, il a dit, rahimahullah, après avoir cité beaucoup de preuves concernant l'obligation de suivre les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, il a dit, il est confirmé qu'il est obligatoire de suivre les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Cela est confirmé par le livre et par la sunna et le consensus. Car salaf, S'ils sont dans la vérité, il est obligatoire de les suivre. Car le suivi de la vérité est obligatoire. Et celui qui est en divergence avec eux suit la voie de Shaitan. Si quelqu'un prétend qu'ils sont dans l'erreur, celui-là dénigre la vérité de l'islam. Fin de citation. Il a dit, rahimahullah, « Dundam ta'wil »« Hein ?» ثبت وجوب اتباع السلف رحمة الله عليهم بالكتاب والسنة والإجماع فإن السلف كانوا مصيبين وجب اتباعهم لأن اتباع الصواب واجب ومخالفهم متبع لسبيل الشيطان وإن زعم زاعمون أنهم مخطئون كان قادحا في حق الإسلام كله انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et je vous rappelle la définition de l'bid'a. Et la meilleure définition, disent les hommes de science, c'est celle donnée par l'imam Shatibi, rahimahullah, dans l'Atisam, qui a dit, al-bid'atu hiya al-tariqatu al-mukhtara'atu fi al-din, tudahi al-shari'ata yuqsadu biha ziyadatu al-taqarrub ila Allah, walam yaqum ala sihhatiha dalilun shar'i. Il a dit, rahimahullah, dans l'Atisam, l'innovation, c'est une voie innovée dans la religion pour concurrencer la législation dans le but de se rapprocher plus d'Allah. Il n'est basé sur aucune preuve. Et notre sujet ce soir concernera deux points. La répréhension des innovations et des innovateurs par salaf et la compréhension des salaf de la bid'a. En ce qui concerne la répréhension et l'avertissement du pur prédécesseur des innovations, Abdullah ibn Abbas a dit dans ce qui est rapporté par Darimi, « Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala » Il a dit, radiyallahu anhu arda, « Suivez et n'innovez pas, car la voie qui vous a été léguée vous suffit, et toute innovation est un égarement. » Regarde ce qu'il a dit. Et toute innovation est un égarement sans exception. Il n'y a pas de bonnes innovations dans la religion et dans la voie du salaf ridwanullah alayhim. Wa qala al-Baghawi rahimahullah fi sharh as-sunnah qad mada as-sahabatu wat-tabi'un wa ulama'u as-sunnah ala hadha mujmi'in muttafiqin ala mu'adati ahli al-bid'ah wa muhajaratihim. Le Baghawi a dit, rahimahullah, dans son livre, ses recueils, Sharh al-Sunnah, les compagnons et leurs successeurs et les savants de la communauté, les savants de la Sunnah, étaient d'accord et unanimes sur la mise à la quarantaine des innovateurs et sur le fait de détester les gens de l'innovation et de les mettre à la quarantaine. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع. Et الفضيل بن عياض dans ce qui est rapporté par l'Alakai dans شرح أصول السنة a dit, j'ai vécu au milieu des meilleurs des gens de la Sunna et tous ils interdisaient la compagnie des innovateurs. Tous interdisaient la compagnie des innovateurs. Et il a dit, rahimahullah, من جلس مع صاحب بدعة فاحذره ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. Et il a dit aussi, dans ce qui est rapporté dans le Hilya et par l'Alaka et aussi, il a dit, fais attention à celui qui s'assoit avec un innovateur. Et celui qui s'assoit avec un innovateur n'aura pas de sagesse. Et je préfère qu'il y ait entre moi et l'innovateur une citadelle en fer. Regarde, je préfère qu'il y ait entre moi et l'innovateur une citadelle en fer. Regarde comment ils ont peur pour eux. Alors que nos jeunes qui ne sont pas immunisés, qui n'ont pas de bagages scientifiques, disent, je veux écouter ce qu'ils disent. Je jette juste un regard sur leur salon et leur site. Je vois juste ce qui se passe sur leur radio. Et le pauvre, il se fait balayer. Il croit, mesquin, que quand tu l'avertis contre tel ou tel innovateur ou tel moussafiq, que tu es jaloux d'eux, ou que tu veux qu'il reste à tes pieds, Allahul Musta'an. Et après un laps de temps, tu demandes de ses nouvelles et on t'annonce qu'il est parti en Syrie, où il est devenu un tablir, où il est devenu un ikhwan, où il a rejoint le groupe du Moussafiqa, où il est sur une liste électorale, et ainsi de suite. Wallahul Musta'an. Et regarde ce qu'a dit, le Fudayl ibn Iyad, je préfère qu'il y ait entre moi et l'innovateur une citadelle de fer. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما جرت سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن السنة من سنها إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل فرض لنفسك بما رضي به القوم أنفسهم فإنهم على علم وقفوا فلئن قلتم أمرا حدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه بما يشفي فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر لقد قصر عنهم آخرون فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم إيكوت فهنا الله عز وجل اسكدي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيع جناته دونسكي غابورتي دون الاعتصام. Il a dit, en réponse à quelqu'un à qui il a adressé une lettre, et cette personne lui a demandé des conseils, il lui a dit, je te conseille de préserver les droits d'Allah et d'être modéré dans sa religion et de suivre la sunna de son prophète, alayhi salam, et de délaisser ce qu'ont innové les innovateurs dans la sunna. Ce qu'ont innové les innovateurs dans la religion. Crampons-toi à la sunna. La sunna a été instaurée par ceux qui savent les erreurs et les égarements que contient la divergence avec la sunna. Sois satisfait avec ce qui les a satisfaits. Et là où ils se sont arrêtés, arrête-toi, car ils se sont arrêtés avec science et avec clairvoyance. Et si vous dites que c'est quelque chose qui a apparu après eux, son apparition est l'acte de ceux qui n'ont pas suivi leur voie. Son apparition est l'apparition d'eux, est l'acte de ceux qui n'ont pas suivi leur voie et qui ont pris l'indépendance et qui se sont détachés d'eux. C'est eux les premiers. C'est eux les premiers qui ont parlé de la religion, de la religion, c'est-à-dire salaf. C'est eux les premiers qui ont parlé de la religion de manière suffisante. Et ils l'ont détaillé avec un détail qui apaise celui qui est en dehors de leur voix. Soit c'est un laxiste, soit c'est un exagérateur. Certains ont été laxistes par rapport à eux et d'autres ont voulu les dépasser et ils sont tombés dans l'exagération et l'extrémisme. Alors que ceux qui connaissent la sunna étaient et sont dans un juste milieu entre ces deux extrêmes, ils sont sur la voie droite, rapporté par Abu Daoud et par Shatibi dans l'Ihtisam. Rahimahumullah ta'ala, regardez ces paroles au nord et ces conseils de ceux qui veulent le bien à la communauté et qui veulent que les gens, les adeptes de cette communauté rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala avec des actes qui vont les satisfaire une fois qu'ils vont se retrouver devant Allah. Qala Hudayfa radiyallahu anhu والله والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور والله لتفشن البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت سنة وقال حذيفة رضي الله عنه كل بدعة كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. حذيفة رضي الله عنه وارضاه. Par Allah, les innovations vont prévaloir au point que la vérité ne se voit que comme on voit la lumière entre deux pierres. Regarde, comment tu... C'est quoi la grandeur de la lumière qui se voit entre deux pierres? Et il a dit aussi par Allah, les innovations vont être propagées. Et si on les délaisse, ils diront, ils ont délaissé la sunna. Et ceci est rapporté dans l'Ihtisam. Regarde un exemple. La sunna, dans le fait de sortir, la zakat qui clôture le mois de Ramadan, c'est aux nourritures. Les gens la sortent en argent. Et quand tu leur fais le rappel, ils te disent, mais c'est la situation sur laquelle étaient les gens, c'est la sunna sur laquelle étaient nos parents, c'est la sunna sur laquelle étaient les anciens. Il y a les hommes de science dans le pays voient ça, ils ne le blâment pas, ils le confirment. Tu veux enlever une sunna. Radiyallahu an Hudayfa wa an ashabi rasulillah. Il a dit, radiyallahu anhu wa arda, chaque adoration qui n'a pas été accomplie par les compagnons du messager alayhi salatu wasalam, ne la faites pas. Les premiers n'ont rien laissé à dire aux derniers. Radiyallahu anhu wa arda. Les premiers, les salaf, n'ont rien laissé aux derniers. On a juste à suivre le chemin. وخرج ابن وضاح عن ابن عباس رضي الله عنه قال يأتي ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. الاعتصام. ابن عباس dans ce qui est rapporté dans l'اعتصام, il a dit chaque année qui arrive, les gens vont innover une innovation et faire disparaître une sunna. Jusqu'à ce que vivent les innovations et apparaissent les innovations et se propagent les innovations et disparaissent les sunan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comme s'ils vivaient avec nous. Regardez les innovations, comment ils sont propagés dans la communauté. Regardez. قال الحسن البصري رحمه الله صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. الحسن البصري رحمه الله dans ce qui est rapporté dans l'Ihtisam a dit, plus l'innovateur prodigue des efforts dans son innovation, plus il s'éloigne d'Allah. C'est normal. L'innovation n'est pas la voie par laquelle on peut se rapprocher d'Allah. Abadan. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله اعلم أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة فإنا لله وإنا إليه راجعون فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وظهور البدع. Écoute ça de la part d'Abdullah ibn Mubarak rahimahullah à son époque. S'il vivait à notre époque, il dirait quoi? S'il était au milieu de nous, il va dire quoi? Il dit rahmatullah alayh dans ce qui est rapporté dans l'Atisam, aujourd'hui la mort est un honneur pour le musulman. La mort est un honneur pour le musulman qui meurt sur la sunna. Nous sommes à Allah et nous revenons vers Allah. On se plaint à Allah de l'isolement et de la disparition des frères et de l'apparition des innovations. Il dirait quoi s'il vivait à notre époque? Il dit, on se plaint à Allah de l'isolement. C'est-à-dire que, à son époque, il voit que les gens de la sunna étaient isolés, n'étaient pas nombreux. S'ils étaient à notre époque, il dirait quoi, rahimahullah ta'ala? وقال أبو الحسن بن علي الجوزجاني رحمه الله من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه وموافقة السنة في أفعاله وصحبته لأهل الصلاح وحسن أخلاقه مع الإخوان وبذل معروفه للخلق واهتمامه للمسلمين ومراعاته لأوقاته. Al-i'tisam. Jawzazani, rahimahullah, a dit dans ce qui est rapporté dans l'i'tisam, parmi les signes du bonheur pour le soumis à Allah, c'est que l'adoration lui soit facile, et qu'il soit apaisé dans l'accomplissement de l'adoration, et que ça ne soit pas un fardeau pour lui, et qu'il soit conforme à la sunna dans ses actes, et qu'il soit dans la compagnie des vertueux, et qu'il ait un bon comportement avec les frères, et qu'il prodigue le bien à la créature, et qu'il se préoccupe des musulmans, c'est-à-dire qu'il se préoccupe de leur situation, de leurs problèmes, et qu'il préserve son temps. Méditez ce qu'a dit ce salaf, rahimahullah ta'ala, méditez ses paroles. L'apaisement et la facilité de l'accomplissement de dans l'accomplissement de l'obéissance. Deuxièmement, la conformité à la sunna. Troisièmement, être en compagnie des vertueux. Quatrièmement, avoir un bon comportement avec les frères et avec son entourage. Et cinquièmement, la bienfaisance envers les créatures. Et aussi, la sixième, c'est se préoccuper des besoins des musulmans. La septième, c'est préserver son temps. Allahu Akbar. Comme il dit ces paroles de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhi, et qu'on regarde où sommes-nous par rapport à cela. Salafia, ce n'est pas un étendard qu'on brandit comme ça en haut, qu'on lève comme ça. Ce ne sont pas des prétentions vides de sens. Abadan, ce sont des actes, ce sont des actes, une parfaite imitation et un parfait suivi des pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim. قال ابن قدامة رحمه الله كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. Dans l'adab shari'a, l'Ibn Muflih, il rapporte la parole de Ibn Qudama qui disait, rahimahullah, Salaf interdisait la compagnie des innovateurs et interdisait de regarder dans leurs livres et d'écouter leurs paroles. Fin de citation. Même le regarder dans leurs livres, pas les lire, juste jeter un regard dessus. Écoute-toi, qui prête ton oreille à tout éloquent et tout haut-parleur que tu trouves devant toi, ou que tu trouves sur une radio ou autre. Écoute, pour te préserver et préserver ta religion, N'ouvre ton cœur et tes oreilles qu'à ceux qui sont sur la voie de tes pieux prédécesseurs, radhiallahu alayhim, et qui suivent les grands hommes de science, et qui respectent les hommes de science. قال الذهبي رحمه الله أكثر أئمة السلف على هذا الحذر أكثر أئمة السلف على هذا الحذر يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة هاي أكثر السلف على التحذير من أهل البدع. Et regarde ce grand imam الذهبي رحمه الله dans Siyar, il dit tous les imams sont pour l'avertissement contre les innovations et contre les innovateurs, car les cœurs sont faibles et les innovations tirent comme les monts tirent le fer. Hein? Regarde. Les imams, c'est-à-dire les imams de la science, sont tous pour l'avertissement contre, sont tous pour le fait d'avertir contre les innovations et les innovateurs. Pourquoi? Parce que les cœurs sont faibles et les ambiguïtés et les innovateurs et les innovations ont l'effet de l'aimant. Ils tirent comme l'aimant tire le fer. وَجَاءَ فِي مُقَدِّمَةِ الْاِعْتِصَامِ لِلشَّاطِبِي رَحِمَهُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي رحمة الله عليه قال قال لو أن رجلا أدرك السلف لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة ثم قال ما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك ذلك السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص أثرهم ويتبع سبيلهم ليعوضن أجرا عظيما فكذلك فكونوا إن شاء الله. إيه حسن البصري رحمه الله أدي يقول تسلا الدي سيانوم qui a vu qu'à l'époque des salafs et ressuscité aujourd'hui, il ne reconnaîtrait rien de l'islam. Hein? Et il a mis sa main sur sa joue et il a dit, sauf la prière. Rahimallahu al-Hassan al-Basri. S'il était autour de nous, il dirait quoi? S'il était à notre époque, il dirait quoi? Hassan al-Basri vivait à une époque qui rentre dans l'époque qui a reçu l'éloge du messager alayhi salam. Il a dit cela. C'est un homme qui a vécu à l'époque du salaf et ressuscité aujourd'hui, il ne reconnaîtra rien de l'islam. Et il a mis sa main sur sa joue et il a dit, sauf la prière. Allahu al-Musta'an. Qu'est-ce qu'il en est de notre situation et de notre époque? Et puis il a dit, rahimahullah, par Allah, celui qui vit au milieu de ce répréhensible, il n'a pas vécu avec des salafs, il voit l'innovateur appelé à son innovation, et celui du mondain appelé vers son bas monde, et qu'Allah a préservé de tout cela, il a fait que son cœur désire salaf, il a voix des salaf, il s'instruit sur la voie des salaf, il suit leurs preuves, il suit leurs voies, il sera compensé d'une énorme récompense. Ainsi vous devez être, incha'Allah. Allahu Akbar. Regardez quel conseil. Si quelqu'un vit au milieu, hein, d'une marée d'innovation, de tout ce qui est répréhensible, désobéissance, innovation, etc. et qui n'a pas vécu l'époque du salaf, et qu'Allah a orienté son cœur, il a fait que son cœur désire salaf, aime leur voie, hein, il s'instruit sur leur voie, et suit leurs preuves, et essaye de tous ses moyens de suivre leur chemin, il dit, ainsi vous devez être. C'est-à-dire, nous devons être ainsi, dans l'époque, et surtout à notre époque, c'est que notre cœur doit se pencher vers salaf, doit aimer salaf ridwanullah alayhim, et chercher leur voie, et chercher à s'instruire sur leur voie, et les imiter pour arriver à la satisfaction d'Allah. Qu'il noble le conseil et qu'il noble aux paroles, celles de l'Hassan al-Basri. Donc vous voyez bien que nos pieux prédécesseurs radhiyallahu anhum ont compris que toute innovation est un égarement. Hein? Dans le hadith, hein, authentique, وهذا العرباد بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة دون حديث أوتنتيك que beaucoup parmi vous mémorisent à sa fin حديث دون العرباد بن سارية attention aux nouveautés, c'est-à-dire les nouveautés dans la religion, bien sûr toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Et le hadith aussi du messager alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Dans l'autre hadith apporté par l'imam Muslim, celui qui œuvre, qui accomplit une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion, il lui sera rejeté. Et dans une version de l'imam Ahmed authentifié par Cheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayhi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: "Idha haddathtukum hadithan fala tazidun alayhi." Dans ce hadith, il est dit: quand je vous annonce quelque chose, n'y rajoutez rien. Ibn Mas'ud a dit radiyallahu anhu arda, dans ce qui est rapporté chez Darimi: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. Suivez et n'innovez pas. La voie qui vous a été léguée vous suffit. Toute innovation est un égarement. Donc leur compréhension de tout ce qui est nouveau dans la religion, c'est que c'est un égarement. C'est clair et net. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit: كل بدعة ضلالة وإرها الناس حسنا. Et donc ce qui est rapporté par le Bayhaqi rahimahullah, Abdullah ibn Umar a dit: toute innovation est un égarement, même s'il est bien considéré chez les gens. Combien de gens autour de toi, ils te disent: mais c'est un bel acte, c'est un bien acte, il ne fait que du bien, c'est bien ce qu'il fait. Hein? قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. إمام مالك رحمه الله هو يعطي cette force de la répression de l'innovation. Il a dit: celui qui considère bien l'innovation qu'il a fait dans l'islam, celui-là prétend que Muhammad a trahi le message. Allahul Musta'an. Ça, c'est la situation des innovateurs et de l'innovation. C'est d'accuser le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il a traité le message. A'oudhu billah. Comment on peut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec l'innovation? Et regardez les gens qui vont être repoussés du bassin du prophète alayhi salatu salam, le jour de la résurrection, où tout le monde a besoin de boire cette gorgée d'eau du bassin du prophète alayhi salatu salam, hein, pour ne plus avoir soif. Ils seront repoussés à cause de quoi? À cause de l'innovation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et l'imam Malik a dit: Celui qui considère bien l'innovation qu'il a fait dans l'islam, celui-là prétend que Mohammed a trahi le message et ce qui n'a pas été une religion hier, il ne le sera pas aujourd'hui. Ce qui n'a pas été une religion, à l'époque de Mohammed alayhi salam, ses nobles compagnons, il ne le sera pas aujourd'hui non plus. Abadan. Qu'on se réveille de notre insouciance et de notre inattentivité et qu'on revient comme il se doit vers la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع في الأم الشافعي رحمه الله dans le livre الأم il a dit celui qui approuve l'innovation il dit que c'est un bon acte il a légiféré et la légifération frère en Allah عز وجل appartient à qui légiférer des actes légiférer des lois il appartient à qui. Regardez la situation dangereuse et regardez comment les paroles d'El Salaf, comment ils avertissent. Comment ce sont des paroles qui sont une onde de choc pour réveiller l'insouciant, l'inattentif et pour réveiller l'innovateur du danger vers lequel il va. L'imam Ahmad rahimahullah a dit « Usul al-sunnati indana al-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah wal-iqtida'u » Dans l'introduction du fondement de la sunna, l'imam Ahmed a dit, les fondements de la sunna pour nous, c'est-à-dire pour qui? Pour les gens qui suivent salaf, pour les gens qui sont unis sur la sunna, hein? Pour les gens de l'unité qui sont unis sur la sunna, qui suivent leur pieux prédécesseur d'Allah Alim. Il dit, les fondements de la sunna pour nous, c'est de se cramponner à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager et délaisser les innovations et toute innovation est un égarement. Regardez, à la voie sur laquelle étaient les compagnons. Ça veut dire, et la voie sur laquelle étaient les compagnons, c'est la sunna. Et c'est le fait d'avertir contre les innovations et d'avertir contre les innovateurs, de s'en éloigner, de les mettre à la quarantaine, de se sauver d'eux, et de s'éloigner d'eux, comme on se confine maintenant, contre cette pandémie. Si nous devons être avec les innovations et les innovateurs. Voyez que chez Salaf, les innovations, toutes les innovations est un égarement. Il n'y a pas chez eux une bonne innovation. Il n'existe pas chez les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et on arrête là, inshallah, et on reprendra, à 21h30, inshallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan.